Vous pouvez prendre deux pierres, et on est rendu au dernier chapitre. Mais on va probablement le faire en deux fois. Que saviez-vous de la fin du monde avant d'être chrétien? Qu'est-ce que vous avez entendu en tant que catholique, en tant que... ou en tant que non-pratiquant, peu importe ce que vous faisiez avant? La fin du monde, en tout cas, moi je ne comprenais pas ça que c'était Dieu qui amenait la fin du monde. C'était comme la fin du monde, là, parce qu'on était en train de sauter les trucs. OK. C'était plutôt une autodestruction de la race humaine dans ses folies, là, de sa pollution. Là, ses c'était les films qu'on voyait de fin du monde, là, des cataclysmes. Oui, puis en 2400 des hommes à moitié robots, puis finalement, c'était jamais Dieu qui intervenait. Ouais. C'était une planète qui nous fonçait dessus, ou un météorite, ou les bombes atomiques, une secousse, il y avait tout peur que la bombe atomique détruise la Terre. Même en tant que catholique, on n'avait pas une grosse connaissance de la fin des temps. Moi, je me souviens, mes parents en parlaient, des fois, et pas souvent, mais on avait le gros catéchisme qu'on a en image, qui parlait de la fin du monde, mais on ne savait pas comment ça arrivait. Il y avait une fin du monde, mais ce n'était pas clair dans notre tête. Qu'est-ce qui arriverait? Pourquoi ça arriverait? Et et quand on étudie l'histoire des mouvements religieux à travers notre génération, chacun a sa petite idée comment ça va finir, cette histoire-là. Mais ceux qui ne sont pas croyants croient que la Terre va se détruire, s'auto-détruire, ou va être détruite par la folie de l'être humain, soit par des bombes, ou par la pollution, ou par de planètes, de météorites, ou de comètes qui vont venir nous détruire, qui vont ramener l'air glaciaire, puis en tout cas, tout c'est... le réchauffement de la planète qu'on entend parler depuis je ne sais pas comment le temps. Là, en tout cas, moi, je trouve que c'est l'hiver qu'il faisait. Une fois aussi froid l'hiver qu'il faisait avant, me semble, dans ma tête. Ben, mais ça a l'air que c'est pas. Parce que c'est juste. Nous, on pense tout le temps que ça va faire des 10-15 degrés différents, mais c'est juste 4-5 degrés qui fait que ça va faire la différence. C'est là qu'ils nous disent que ça va faire la différence. Mais ce soir, on va parler. Je parle de ça parce que ce soir, on va parler de cette fin du monde, du retour du Seigneur. Et on va voir que les chrétiens se font brasser la camarade, comme on dit en québécois. Ils se posent la question. Il y a des gens qui interviennent, puis ils les interpellent. Et les chrétiens ne savent pas trop sur quel pied danser. Ils ne savent pas trop comment ça va se passer, puis ils n'ont pas les réponses, donc ça les trouble. Hein? Moi, ce qui nous trouble en tant que chrétien, c'est le fait qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, et on ne comprend pas ce que Dieu dit, ou on ne sait pas ce que Dieu dit, tout simplement. Et là, ça nous trouble. Ou les faux prophètes, ou les enseignants, ou on regarde une émission de télévision, puis ils nous parlent que la Terre va se détruire, par là, là, là. Puis là, le chrétien qui n'est pas assez conscient de ce qui s'en vient, c'est « Ouais, comment ça va arriver? » Puis peut être troublé ou s'interroger par rapport à ça. Comment est-ce que Dieu va empêcher ça? Comment, si c'est vrai que la science nous dit que la planète se réchauffe, qu'il y a des trous dans la couche d'ozone, comment je peux faire fitter ça avec le retour du Seigneur? Si le retour du Seigneur est programmé à telle date, comment ça vient fitter là-dedans, tout ça? C'est pas évident. Et ce qu'on va voir surtout ce soir, c'est la question du temps. Ce qui trouble le plus les croyants, ce que je me suis aperçu depuis 30 ans que je travaille là-dedans, c'est la longueur de temps qui se passe depuis que le Seigneur va se mettre sur le répondeur. C'est la question de temps. Là. Comment de temps ça va prendre? Le Seigneur a dit bientôt, je m'en viens bientôt. Puis ça fait 2000 années. Les chrétiens viennent un peu comme « Ouais, mais comment se fait ça? Comment ça va arriver, cette affaire-là? » Fait que, on va voir, à soir, que Pierre répond. au faux prophète, mais en même temps, il instruit l'Église. Il donne à l'Église des réponses qui vont, espérant que, je pense, lui espère, comme tout enseignant espère, que ces chrétiens-là vont pouvoir répondre aux faux docteurs qui sont dans l'Église, les faux prophètes qui sont dans l'Église, ou qui sont en contact avec eux autres. Aujourd'hui, l'Église, en tout cas, je trouve, l'Église est souvent pas aussi attaquée que, il y a quelques années, par l'intérieur, avec des gens qui viennent de l'intérieur. Mais l'Église est plus attaquée par le monde médiatique qui vient dans la vie de l'Église sans que nous, les dirigeants, sachent que les chrétiens sont en contact avec ça. Quand j'étais plus jeune chrétien, quand les faux prophètes venaient à l'Église, on savait qu'ils étaient là, puis on s'en occupait. On en a déjà mis d'ailleurs le dimanche matin, devant tout le monde. Et donc, c'était visible, c'était là, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, les chrétiens entendent toutes sortes de choses, soi-disant des chrétiens, soi-disant de la Bible. Puis là, ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Puis là, tu ne sais pas, toi, qui ont entendu ça, qui ont lu ça à quelque part. Et là, tu ne peux pas vraiment les aider autant comme on pourrait les aider. Donc, et ce n'est pas nouveau parce que dans Pierre, parce qu'il y a des problèmes avec le retour du Seigneur dans les Épîtres aux Thessaloniciens. Il y a des problèmes dans l'Épître aux Corinthiens. Il y a des problèmes dans l'Apocalypse. Ce n'est pas la seule groupe, église locale, qui a des problèmes avec le retour du Seigneur. C'était quelque chose qui était assez souvent dans les églises du Nouveau Testament. Puis il faut se dire que la majorité des églises du Nouveau Testament n'avaient pas l'Apocalypse encore. Fait que quand Pierre a écrit, l'Apocalypse n'a pas écrit. Quand Thessaloniciens est écrit, l'Apocalypse n'a pas encore écrit. Qu'on pense, en tout cas, qu'on croit que c'était comme ça. Donc, il n'y avait pas les données que nous, on a aujourd'hui. Malgré que les données qu'on a ne nous enlèvent pas tous nos problèmes, là, nos discussions, parce que les églises, dans les années que j'étais sauvé, les années, début des années 80, là, 85, beaucoup d'églises ont des chicanes et des divisions à cause du retour du Seigneur. Se divisaient. Parce qu'il n'y avait pas tout le monde pensait de la même façon, pas tout le monde pensait voyait la même affaire. Puis là, moi, je me suis fait traiter d'imposte. Un imposteur. Parce qu'on croyait de certaines choses que d'autres ne croyaient pas, puis ils nous traitaient de toutes sortes de noms, parce que on manquait de compréhension et de connaissances, puis on commençait à se signer sur des affaires qu'on n'avait pas encore étudiées assez pour pouvoir avoir des idées claires. Puis après 30 ans, on n'a pas encore les idées claires, claires. Fait que c'est pas évident tout le temps. Donc, mais ce qu'on va voir, c'est que plus on connaît bien le retour du Seigneur, plus on va être capable d'être patient et de l'attendre. Et le but, ce n'est pas de découvrir ce qui entoure le retour du Seigneur, comment ça va se faire, puis quand ça va se faire. Mais peu importe quand ça va se faire, si j'ai une bonne compréhension de ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer et pourquoi ça va se passer comme ça, ça va me donner la capacité d'attendre jusque dans la mort. Si je meurs puis que le Seigneur n'est pas revenu, je vais partir dans la mort comme ça, attendant encore le retour du Seigneur. Ben, ça fait 2000 ans que les chrétiens meurent, puis le Seigneur n'est pas encore venu. Donc, ils sont morts sans avoir vu le Seigneur revenir. Donc, c'est comme... la majorité d'entre nous, de l'Église, ben, c'est juste la dernière génération qui va voir le Seigneur. Les autres sont tous morts avant. Fait que peu importe comment est-ce que ça prend de temps, si c'est encore 500 ans, toute la gang va mourir avant. Ça va être juste la dernière génération qui finalement va voir venir le Seigneur, puis qui ne mourront pas physiquement. Donc, les faux prophètes, eux autres, argumentent, ou des fois même vont renier le retour du Seigneur, il ne reviendra pas. Une grande majorité des gens, des mouvements religieux aujourd'hui, je ne dis pas chrétiens, ne croient plus à une fin du monde, comme la Bible la parle. Ils parlent d'une. La fin du monde, c'est la fin de chacun de nous, individuellement. Puis si le monde un jour se détruit, c'est à cause de la nature ou de l'être humain. Mais il ne prêche plus une venue du Seigneur pour détruire le monde. Celui qui l'a créé va le détruire aussi. Pour moi, c'est tellement logique que celui qui fait la chose peut défaire la chose. Et tu peux pas... J'ai dit à mon professeur, il y a 2 ou 3 semaines, un mois peut-être, je pense qu'on se donne de l'importance en pensant qu'on peut détruire ce qu'on n'a pas créé. C'est pas nous qui l'avons créé. Pas nous qui va le détruire non plus. Donc, je dis, C'est pas nos petites bûches de bois qu'on met dans le poêle qui vont défaire la planète quand des millions d'acres de bois brûlent naturellement tous les ans partout sur la planète. C'est depuis que la Terre est Terre que ça fait ça. C'est pas depuis demain matin. Là. Donc, j'ai dit, oh, je pense pas qu'on va détruire. Ça veut pas dire qu'on s'essaye pour faire ce qu'on veut, pour faire pas attention à rien. Mais il ne faut pas se donner trop d'importance en pensant que nous, on est capable de détruire ce que Dieu a créé à l'espace de 2, 3 générations. On peut peut-être ne pas détruire, mais malmener les conditions dans lesquelles on va continuer à vivre. Oui, mais moi, personnellement, je crois quasiment que la Terre, j'appliquerais, j'extrapole, OK? J'appliquerai le même principe que Dieu parle quand il parle du corps humain, en disant que le corps humain a une capacité de purifier, d'auto-purification. Si on le laisse faire, on est capable de vivre sainement, là, pendant la folie, travailler 400 heures par semaine. Mais si on a une vie normale, le corps a une certaine capacité d'auto-purification, je ne sais pas appeler ça comme ça. Mais jusqu'à un certain temps, parce qu'on finit par mourir aussi. Mais ça, c'est à cause du péché. Si tu n'avais pas du péché, c'est ça que je parlais avec une femme à l'école la semaine passée. J'ai dit, ça ne semble pas comprendre. J'ai dit que l'être humain n'était pas supposé mourir. Elle dit, comment ça, on n'est pas supposé mourir? Ça aurait été fou. Ils ne mourraient pas parce que c'est le péché qui fait ça. Si l'homme n'aurait pas péché dans le paradis, on serait vivant pour toujours. On ne mourrait pas. Ah ben ça, c'est la première fois que j'entends ça. Ben, j'ai dit, si tu n'as pas lu la Bible, tu ne peux pas le savoir non plus. Non? Mais je crois que la Terre, elle avait cette capacité d'exister pour l'éternité. Dieu l'avait créée d'une telle façon qu'elle pouvait subsister pour l'éternité, comme l'être humain aussi. Là, maintenant, il l'a maudit, donc il y a une certaine difficulté qui se passe. Et je crois qu'elle a une capacité plus forte qu'on pense d'auto-purification. En tout cas, ce que je pense, mais ça, c'est juste en soi, c'est pas marqué dans la Bible, comme tel. Mais une chose est certaine, si on étudie le retour du Seigneur, c'est pas l'être humain qui met une fin à ça. La Terre est bien là quand Dieu revient. Elle fonctionne encore. Puis encore des millions de personnes sur la Terre, puis ça fonctionne. Donc, je me casse pas les pompons à savoir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que l'homme peut faire. Oui, on fait le mieux qu'on peut, on s'occupe de ce qu'on vit à l'entour le mieux qu'on peut, quand je regarde la folie dans laquelle on s'en va, je me dis, ça ne me tracasse pas plus à autre mesure que ça, parce que je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de ça qui contrôle la situation. Donc, la connaissance exacte du retour du Seigneur va nous donner de la patience, va nous rendre patients jusqu'au retour, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on doit savoir. On n'a pas besoin de tout savoir, hein, mais on a besoin de savoir certaines données, principal qui va nous donner, parce que Pierre en a donné assez pour que les chrétiens continuent, même s'il n'y avait pas encore l'Apocalypse. Mais il en a reçu assez pour pouvoir continuer jusque dans la mort. Et c'est ça qu'il faut savoir, ces principes-là absolus, qu'on peut répondre à n'importe qui presque, juste avec ces quelques données-là, et qu'on est posé d'être bien pointu dans toutes nos réponses, comme tel. Verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Donc, Pierre, dans les deux lettres, a une même pensée, le même but, c'est d'éveiller, c'est de stimuler, d'exciter par des enseignements, par des avertissements, l'intelligence des croyants. Moi, je suis bien mordu que la foi, c'est pas quelque chose qui passe aux côtés de l'intelligence de l'être humain. C'est la foi, elle est directement reliée à l'intelligence de l'être humain. C'est pas rue les creux quand ils verront Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. Okay? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'intelligence, ceux qui enseignent, ceux qui prêchent, ceux qui parlent aux inconvertis, devraient toujours en appeler à leur intelligence, premièrement. Non pas à leur sens, juste à des à des craintes ou à des peurs ou à des sentiments sans qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Et longtemps, on nous a appelés à faire des choses juste parce que tout le monde le faisait à côté et on ne savait pas trop pourquoi et on le faisait. Puis notre intelligence devait être refoulée. Pose pas de questions, fais ce qu'on dit. Donc ça, c'était renier la capacité de l'être humain de penser, de réfléchir, de s'interpeller. Donc, l'apôtre Pierre a cette idée-là et il va dire les deux premiers versets que la source de l'information ou la source de la connaissance concernant le retour du Seigneur, où est-ce que je dois aller chercher mon information quand je veux savoir où est-ce que le monde s'en va? Où est-ce que je dois aller chercher les données? Je vais-tu aller voir une série de cartes? Je vais-tu aller voir quelqu'un qui lit les cartes du ciel, les horoscopes? L'autre jour, il y a tellement d'opportunités de jaser avec les non-croyants. Je vais dire, François, t'es quel signe, toi, dit, dans ton horoscope? Parce qu'elle ne savait pas à qui elle s'adressait. Je dis, moi, mon signe, c'est chrétien. Je dis, oh, je m'ai entendu celui-là. J'ai dit, je ne crée pas à ça, l'horoscope. J'ai dit, personnellement. Fait que j'ai dit, si tu veux savoir ma date de naissance, je suis né au mois de juillet. Si tu peux en déduire ce que tu voudras. Mais personnellement, si l'horoscope n'a aucune influence sur ma vie. Il dit, je suis chrétien, donc ça a plus d'influence sur ma vie que n'importe quoi d'autre. Mais ça a ouvert des portes pour jaser. Donc, c'est, d'où est-ce que je vais chercher mon information? D'où est-ce que tu tiens ce que tu me dis, toi, le faux prophète? Là, je peux parler, là, j'appelle faux prophète, c'est très, très, très fort, des fois, comme mot, mais chaque personne qui n'est pas croyante est un petit faux prophète, entre guillemets, parce qu'il va te dire des choses qui ne sont pas vraies. Il proclame des faits, des dires qui ne sont pas vérifiables. Et des fois, tu demandes aux gens, est-ce que tu vas chercher ça, ce que tu me dis là? Tu me dis que le monde ne va jamais arrêter. Où est-ce que tu vas chercher ça? Dans ta petite cocologie, c'est à toi, là? Où est-ce, as-tu lu un livre là-dessus? As-tu lu un article à quelque part? Tu as pris des cours à quelque part? Où est-ce que tu as pris ton information? Des fois, ils n'ont pas, là. Ils ont juste ce qu'on y a entendu dire. Ils ont vu un programme à TV ou un film, comme tu disais, sur les choses de même. Mais nous, pour les chrétiens, c'est le verset 1 et 2, il y en nomme trois choses d'information. Qui revient à la même chose, là, mais c'est toi, il les nomme sur trois choses différentes. Et au verset 2, il dit quoi? Les prophètes. Les commandements. Et du commandement, pas les commandements, mais du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres. Donc, il va dire, les prophètes en ont parlé, le Seigneur Jésus en a parlé, les apôtres en ont parlé. Et là, si tu descends au verset 16, on va le lire tout de suite parce que c'est bon qu'on mette ça ensemble. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Donc, Pierre ici s'adresse, il parle de ces choses, qui parle du retour du Seigneur, que Paul a écrit là-dessus. Paul a écrit des données, des informations sur le retour du Seigneur dans certaines lettres qu'ils avaient. Donc, c'est intéressant que, ici que l'apôtre Pierre met les lettres de Paul au même niveau que les Écritures de l'Ancien Testament. Il dit, les personnes ignorantes tordent le sens comme celui des autres Écritures. Les Écritures, pour ça, ça veut dire l'Ancien Testament pour eux autres. Donc, il dit, Paul a écrit, puis il met ça au même niveau. Il donne la même autorité à Paul que l'Ancien Testament. Donc, c'est important de comprendre ça, que même avant que Pierre meure, les écrits de Paul étaient déjà considérés comme étant une autorité dans l'Église. Donc, on a les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé du retour du Seigneur, Ézéchiel, Daniel, il y en a quasiment tout parlé dans l'Ancien Testament. Jésus arrive, il donne de l'information, puis il va un petit peu plus loin, il précise un petit peu plus. Les apôtres en donnent encore d'autres, des fois ils vont un petit peu plus loin. Et là, bien, finalement, Jean, qui est un apôtre aussi, va aller au bout de la ligne. On n'a pas d'autres après ça. Et quand on regarde la Bible dans son ensemble, nous avons la source d'information que nous avons besoin pour voir comment le monde va se terminer. Vous remarquerez, écoutez les gens parler, la façon qu'ils parlent de la fin du monde va vous dire comment ils pensent que le monde a commencé aussi en même temps. Même si vous ne diront rien, Ou quand ils vous parlent du commencement du monde, ils sont en train de vous dire aussi comment ça va finir. Si le monde est le fruit du hasard, ou du hasard de l'évolution qui est faite, qu'on est là, le hasard va faire disparaître le monde aussi. C'est toujours ensemble, cette affaire-là. Si Dieu a créé le monde, ils vont probablement dire que Dieu va mettre une fin au monde, parce qu'il y a un sens, un bon sens, une logique là-dedans, que ce soit comme ça. Donc, quand les gens vous parlent, si vous écoutez bien, vous allez voir comment ils pensent que le monde a commencé et comment il va se terminer. C'est dépendamment. S'ils disent que c'est la nature qui va virer à l'envers, bon, la nature était probablement à l'envers au début, puis elle a eu un bing-bang, puis elle a commencé à... C'est toujours la même chose. Ça se rejoint les deux. Ça va ensemble. Donc, pour nous, on a le commencement du monde dans la Genèse, on a la fin du monde dans l'Apocalypse, et c'est le même personnage qui joue le rôle premier, Dieu, les deux personnages. L'homme est juste un spectateur. Spectateur de la création du monde, dans le sens que lui va se faire créer aussi là. Il n'y a rien fait pour créer ce monde-là. Il n'y a rien fait pour faire ça. Il a été lui-même créé. À la fin des temps, il ne fera jamais rien pour empêcher le monde d'arrêter. Il ne pourra pas, dans sa volonté, dire « Non, tu ne détruiras pas le monde. » Dieu va le détruire quand même. Puis l'homme va juste être un spectateur de ça. Et donc, l'homme ne peut pas, n'a pas pu commencer le monde, puis il ne pourra pas le mettre une fin à ce monde-là dans lequel nous vivons. Tout ça est donné dans la Bible. Donc, si on veut parler de la fin du monde, nous devons aller à la place où est-ce que, de voir qu'est-ce que le gars qui a créé le monde a dit, lui, sur le sujet. Il a-tu dit que ça serait sans limite, ça n'aura jamais de fin? Qu'est-ce qu'il a dit sur ce sujet? Et la plupart des gens qui parlent de la fin du monde, ils ne font pas aucune référence au livre de la Bible, jamais. Ils ne font pas de référence à ce que Jésus a dit, ils ne font pas de référence une fois, il y avait quelqu'un qui me disait « Oh, le déluge, ça, c'est pas vrai, c'est juste un mythe. » Les catholiques enseignent ça maintenant. Hein? C'est un mythe, le déluge. C'est pas arrivé vraiment. C'est pas un fait historique. Mais Jésus en parle. Moi, je dis aux gens, est-ce que tu traites Jésus de menteur? Oui, c'est ça. Parce que Jésus a dit. Puis si tu dis que Dieu n'a pas créé le monde, Jésus a dit que Dieu avait créé le monde aussi. Donc, est-ce que Jésus parlait à travers son chapeau? Est-ce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il était en train de dire? Est-ce que lui-même était ignorant des faits? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Donc, Jésus parle du déluge. Les apôtres ont parlé du déluge. On va en parler un petit peu à soir en s'en allant. Donc, pour nous autres, quand les gens vous parlent de la fin du monde, dans n'importe quel angle, on doit retourner vers la Bible et dire, est-ce que la Bible appuie ça? Est-ce que la Bible dit cela? Même la Bible, est-ce que la Bible contredit? Des fois, la Bible, elle ne dit rien, fait, tu ne peux pas aller plus loin, mais des fois, elle va carrément contredire. Hein? Si on dit que l'être humain va faire sauter la Terre, puis la Terre va se détruire par les bombes atomiques, la race humaine va disparaître. Non, la Bible a contredit ça. Clairement, la Bible a dit non, c'est pas comme ça va finir. L'être humain ne va pas s'auto-détruire, c'est Dieu qui va mettre une fin à ce monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est important pour nous qu'on peut s'intéresser, en tout cas, moi j'ai un intérêt personnel, à savoir comment ça se passe, ça, cette affaire-là. Puis dit au verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, c'est quoi? C'est quand? Maintenant. C'est maintenant. Les derniers jours, ça a commencé avec la venue du Seigneur Jésus. Les derniers jours, dans le Nouveau Testament, parlent de l'histoire de l'Église. Peu importe comment de temps ça va durer, c'est les derniers jours. Ça veut dire que c'est la dernière étape dans l'histoire de l'humanité. Après cette étape-là, c'est fini. C'est pour ça qu'ils appellent ça les derniers temps, les derniers jours. C'est tout de suite, quand Jésus est arrivé, il a commencé à parler des derniers temps. Dans l'Ancien Testament, il parlait des derniers temps, mais ce n'était pas encore arrivé. Quand Jésus arrive, il commence à dire comme si c'était quelque chose qui était commencé, qui commençait. Puis l'apôtre Pierre, dans les Actes des Apôtres, en parle, puis tous les autres apôtres en parlent comme étant « Nous sommes maintenant dans les derniers jours. » Pour nous autres, on parle des derniers jours, on veut dire 3-4 jours avant que ça finisse. C'est pas ça, les derniers jours, c'est plutôt une période de temps qui représente l'histoire de l'Église. Si un jour vous voulez faire une étude là-dessus, vous sortez toutes toute cette expression-là dans tout Nouveau Testament avec une concordance, vous allez voir le sens que l'ensemble du Nouveau Testament va dire sur ce sujet-là. Dans les derniers jours, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre temps, nous autres, il va venir des moqueurs avec des railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent des choses, des railleries. Pourquoi qu'ils disent des railleries? C'est parce qu'ils parlent avec leur propre convoitise, avec leur propre désir. Ils ne veulent pas savoir ce que Dieu dit, mais ils vont se donner une fin comme ils le désirent, selon leur propre convoitise. Donc, ils convoitent des choses, des gens convoitent l'éternité, ils convoitent de vivre, de trouver un remède pour vivre éternellement. Comment est-ce qu'il s'appelle à mon temps? Disney, Walt Disney. Il s'est fait... Je l'ai bien dur, on pourrait dire, pour pouvoir être, quand ils vont trouver un remède, se faire réveiller. Tu sais, il a mis la fin du monde selon ses propres convoitises à lui. Moi, je vais vivre éternellement ici, donc je vais m'inventer une fin du monde qui reflète mes propres convoitises. Comme beaucoup de gens rêvent d'une fin du monde, comme l'être humain va finir par amener une espèce de paradis sur la terre. Il va finir par arriver là. Ils vont finir par s'unir, puis se comprendre, puis s'aimer, puis faire un beau monde, qui va finir par... Vous voyez des films là-dessus, c'est la pensée humaine, ce qui est là. Où est-ce que le monde est presque détruit, mais à travers ça, le monde devient meilleur. Et là, ils vont commencer une espèce de paradis sur terre. C'est l'être humain qui amène ça. Donc, selon ses propres convoitises, il s'invente une fin du monde. Comme ici, il dit, les moqueurs. C'est des gens, le moqueur, c'est pas que des gens qui vont rire dans le dos des gens, c'est des moqueurs. Dans la Bible, le moqueur, c'est celui qui va contre la vérité. Dieu dit quelque chose, le moqueur va dire quelque chose de contraire. Okay? Donc, si j'écoute l'être humain, il ne va pas me dire comment ça va finir. Au contraire, il va probablement changer ce que Dieu a dit. Donc, si moi je veux savoir, je dois aller à la source, qui est aujourd'hui pour nous autres, les Écritures. Et puis d'apôtre, s'il y en avait, on pourrait aller voir. Il n'y en a plus. Donc, on prend maintenant les Écritures, qui sont le reflet de la pensée des apôtres et du Seigneur et des prophètes. Dans ce sens-là. OK? Ça, c'est la première chose. Si je veux avoir une bonne connaissance du retour du Seigneur, pour pouvoir être patient, je dois référer à la source, qui est les Écritures aujourd'hui. La deuxième, on va voir que quand on est attaqué, quand on est interrogé sur le retour du Seigneur, on doit se dire que le retour du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça, c'est une réponse qu'on donne aux gens. Vous pensez que le monde ne sera pas détruit? Vous vous trompez, il a déjà été détruit. Donc, on a des preuves de ça dans un certain sens. Ils disent, au verset 4, où est la promesse de son avènement? Il a promis qu'il reviendrait, il a promis qu'il fera un nouveau ciel, une nouvelle terre. Où est-ce que c'est cela, là? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il n'y a rien qui change. Tout est pareil. Ça n'a jamais rien changé. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement de la ruine des hommes impies. Donc, l'auteur, il dit ici, quand les moqueurs, les railleurs vous disent, « Bah, ça fait, dans ce temps-là, ça faisait 30 ans, 40 ans, nous, c'est 2000 ans. Bah, il l'a dit, ses promesses, mais ça n'arrive jamais, ça n'a jamais arrivé. Il est parti, puis il n'est pas revenu. » Parce que, il faut se dire dans notre tête, je crois que la première génération de chrétiens espérait vraiment que ça serait là, là. Ça serait là, là. Ça se ferait là. Jésus était parti, mais il avait dit, je reviens bientôt, je reviens. Puis il l'attendait là, là. Fait qu'il y en a, probablement que les chrétiens, manquant de connaissances, n'ayant pas toutes les données, ont commencé à dire aux inconvertis, aux gens, « Ah, Jésus va revenir, on ne mourra pas, il va revenir. » Puis là, ça faisait 25, 30 ans, puis il y avait des chrétiens. C'est ça que Paul va parler dans les Thessaloniciens. Il y en a qui étaient déjà morts. Là, les chrétiens se posaient un paquet de questions. « Ben, Les frères et les sœurs sont morts. Qu'est-ce qui va arriver? Jésus n'est pas revenu, puis ils sont morts. Il n'y a plus rien à faire pour eux autres. Tu sais, ils se posaient la question, là. Puis c'était légitime, la question. Il manquait de données pour bien comprendre comment ça se passerait. Donc, il dit, ces gens-là sont ignorants, ou ils veulent ignorer qu'il y en a déjà eu une fin du monde. Et on parle du déluge. C'était une fin du monde. Le monde, du moment, a été totalement détruit. Et si Dieu n'avait pas dans sa grâce sauvé 8 personnes sur un bateau avec les animaux, ils seraient tous morts. Le monde aurait eu une fin là. La race humaine aurait été éteinte. Les animaux auraient été tous détruits. Parce qu'il n'y a pas d'animaux qui puissent survivre longtemps de même sans lumière, sans... parce qu'il y a tout un écosystème avec les arbres. S'il n'y a plus d'arbres, l'eau devient polluée. Même les animaux qui savent nager finiraient par mourir quand même dans cette eau-là. Parce que l'eau a besoin d'être oxygénée, a besoin de recevoir de la nourriture. Puis s'il n'y a plus rien qui fonctionne, ça ne marche plus. Je crois que les animaux dans l'eau ont un rôle à jouer pour ceux qui sont sur terre, puis ceux qui sont sur terre ont un rôle à jouer pour ceux qui sont dans l'eau. Puis s'il n'y a pas cette chimie-là, ça arrête, cette affaire. Il dit, ils veulent ignorer ça. Puis aujourd'hui, le déluge, c'est complètement en dehors de la carte des scientifiques qui ne veulent pas admettre ça. Semaine, je recevais un article, je ne sais pas si je vous l'ai dit dimanche, je ne me souviens pas, un article sur un courriel. Ils ont retrouvé, non, c'était avec mon garçon que je parlais de ça, ils ont retrouvé dernièrement des vestiges de la traversée de la mer Rouge. Avec l'armée des pharaons qui a traversé la mer Rouge. Ils disaient que c'était impossible, ça ne se peut pas. Là, ils ont trouvé des roues de chariot, des bouts de lance, des os d'êtres humains et d'animaux dans le fond de la mer. Puis de la façon qu'ils parlaient, ils disaient que la mer, de la façon qu'elle était creusée, là, ils ne pouvaient pas avoir traversé. Là. C'est comme il aurait commencé à traverser, puis il aurait tombé dans un trou qui avait 2000 pieds de creux. Tu sais, là, il n'y aurait pas pu. Puis ressortir l'eau de bord, c'était impossible. Puis ils ont trouvé dernièrement que des avis, avec les bandes sonores aujourd'hui, ils peuvent voir le plancher de la mer. Ils ont trouvé que où est-ce qu'ils ont traversé, de la façon que c'est écrit dans la Bible, à cette place-là, il y a une surlevée du terrain qui monte quasiment à peu près à 200 pieds du bord. C'est comme si il y avait une autoroute dans le milieu de la mer, juste à cette place-là. Puis c'est là qu'ils ont trouvé les vestiges. Puis là, ils continuent à chercher. Ils ont trouvé même une roue de chariot qui était recouverte d'or. Puis ils disent probablement c'était un des premiers au pharaon lui-même, oui. C'est ça son chariot, qui aurait été détruit là. Fait que là, ça met un poids archéologique sur la foi qu'on a, qu'ils ont traversé effectivement la mer là. Il y en a qui vont dire, bon, ouais, ça peut être n'importe qui a perdu ces affaires-là. Mais en tout cas, pour nous autres, ça donne une idée que la science. Quand elle se donne la peine, des fois, trouve et approuve ce que la Bible a dit dans la même façon. Mais ils veulent ignorer ce que Dieu a fait. Ils veulent ignorer, mettons, les 10 plaies d'Égypte. Pour dire que Dieu s'est fait ça en Égypte, il peut le faire partout. Ils veulent ignorer que Dieu a détruit la terre entière par sa seule parole. Pleut, et il a plu. Et l'eau a sorti de la terre, puis tombé dans l'air, puis la terre a été inondée d'eau. Partout, tout le monde est mort. Peu importe comment est-ce qu'il y en avait. Il y en a qui disent qu'il y en avait juste là, il y en avait 2 millions, d'autres disent n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. Ils sont tous morts, ceux qui étaient là, excepté 8. Donc, ça ne devrait pas être surprenant de penser que Dieu peut amener une autre fin du monde. Il en a déjà amené une. Et vous, c'est ça l'argument. Ils veulent ignorer là, qu'il y en a déjà eu une fin du monde. Il y en a déjà eu une, donc. Posez-vous pas de question s'il peut en avoir une autre. Oui, il peut en avoir une autre. Mais ici, l'auteur dit quoi? Ça ne sera pas par l'eau cette fois-là, ça va être par le feu. Par le feu. Puis moi, quelqu'un qui dit bien les cieux et la terre. C'est pas juste la terre. Les cieux, ça comprend tout le système dans lequel Dieu a vécu. Tout le système va être détruit. Autant les étoiles que la lune. Le déluge, c'était la terre. C'était juste la terre. Ouais. Là, il dit les cieux et la terre. Puis dans l'Apocalypse, il parle des cieux et la terre. Les cieux disparaissent, la terre disparaît. Tout s'en va dans le chapitre 20, là, les cieux et la terre ont disparu. C'est comme si on retourne dans le néant, dans le vide. Et Dieu en fait des nouveaux. Puis là, nous autres, on vit là-dessus avec lui. Mais il dit, pourquoi ça vous surprend? C'est vrai que si on ne croit pas que Dieu a créé le monde à partir de rien, on se demande comment il pourrait en faire un nouveau à partir de rien. S'il l'a fait une fois, comme ça, tu sais, en faisant ça. Il a bien pris ses jours parce qu'il voulait prendre ses jours, là, mais il aurait pu faire ça en 7 secondes. Ça aurait été la même chose pour lui. Hein. Fait que je crois que pour nous autres, je vous dis, si on croit que Dieu a créé le monde à partir de rien, la fin du monde, c'est du gâteau. C'est du gâteau, pour nous, c'est pas surprenant, c'est pas difficile à faire, c'est pas illogique, c'est la même affaire qu'au début. Cette fois-là, ça va être par le feu. Donc, c'est une. Parce que le feu est un signe dans la Bible en grandeur, c'est un signe de jugement. Donc, quand il va détruire la terre par le feu, c'est un signe de jugement. Dieu, c'est en colère qu'il va faire ce qu'il va faire. L'Apocalypse nous en parle beaucoup de la colère de Dieu. Donc, Dieu on a vu un petit peu dimanche, il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc, le mot feu, c'est le signe de jugement qui va brûler la paille, puis tout ça. C'est le même principe, la même air d'aller. Le feu est toujours le signe du jugement de Dieu sur le monde. Des fois, à tout bout de champ, vous allez voir que Dieu, en théologie, on appelle ça des jugements partiels. Dieu amène des jugements sur la terre, mais mettons, à Saint-Jovite, le coup à Sept-Îles, il fait des petits jugements. Souvent, c'est par le feu. Le feu est souvent un symbole de Dieu, amène un jugement sur quelqu'un. À quelque part, à quelque part. Donc, il dit, c'est pas quelque chose de nouveau, là, que je vous parle, là. Puis pourquoi il se moque de ça quand ça a déjà arrivé? Donc, pour nous autres, c'est un bon argument, parce qu'on dit aux gens, « Hey, il y en a déjà eu une fin du monde. Pourquoi tu penses qu'il ne peut pas en avoir un autre? » S'il n'y en avait jamais eu, on pourrait comprendre, on pourrait se poser la question, dire, « Ouais, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais entendu parler de ça. » Mais il y en a déjà eu un. Hein. Et je vous ai déjà dit dans des enseignements, tous ces jugements-là qu'on appelle des jugements partiels, c'est pour convaincre le monde qu'il va avoir un jugement final et total. C'est pour ça que Dieu fait ça. Parce que si Dieu n'avait jamais puni personne, c'est comme une maman qui dit, ou un papa qui dit, si tu fais ça, on va te taper. Si tu fais ça, on va te taper. Mais qui tape jamais, finalement, l'enfant fait. Tu fais ça, il va dire. Elle dit n'importe quoi, mais enfin, jamais rien. Si tu fais de la menace, dans le fond, tu menaces, mais tu ne fais jamais rien. La personne, l'enfant, l'adulte, tu ne fais jamais rien. Pourquoi on ne fait pas toujours nos stops? Si on se ferait arrêter à chaque fois qu'on ne fait pas nos stops, on verrait pas mal plus souvent. Mais c'est parce que 9 fois, ou bon non, 99 fois sur 100, il n'y a pas de police qui nous arrête. Fait qu'on essaie toujours de passer. Parce qu'il n'y a pas de jugement qui est appliqué tout de suite. Mais de temps en temps, il y a une police qui nous arrête. Là, vous remarquez que pendant 3-4 mois, après ça, on est plus prudent. On est moins énervé avec notre auto. Puis là, on me survient. Mais Dieu a fait la même chose. Tout de suite avec Adam et Ève, Caïn est mort, ça commence. Et là, les gens commencent à mourir, des catastrophes qui arrivent, des châtiments, des jugements de Dieu partiels, des fois presque total avec le déluge, Sodome et Gomorre. C'est tous des jugements qui sont arrivés en s'en allant. On le voit avec Corée, là, à Abidjan. Dieu fait ouvrir la terre, tout le monde tombe dedans. Donc, c'est des jugements que Dieu dit, je n'accepte pas ça. Si vous faites ça, je vais vous détruire. C'est juste une. Moi, je dirais que les jugements qui ont emmené avant le jugement final, c'est un grand geste d'amour de la part de Dieu. Un grand geste d'amour. Les gens ne voient pas ça comme ça, mais c'est un geste d'amour que de châtier celui qui mérite d'être châtié. Pour lui montrer, je veux t'éviter la grande catastrophe. Si je ne te punis pas ici maintenant, tu ne me croiras pas quand je te dis qu'il y en a un tout gros, puis là tu vas être détruit pour tout le temps. Puis nos enfants, pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on les punit dans les petites affaires? C'est parce qu'on veut les éviter des gros troubles au bout de là-bas. S'il n'y a jamais de conséquences là, ils ne croiront pas qu'ils vont en avoir plus loin, puis ils vont faire toutes sortes de conneries. Toutes sortes de conneries. Mais si on leur donne des petites punitions, moi je sais, j'éduquais mes enfants. Oui, là, je vous mets dans votre chambre, mais si vous continuez à cette suite-là, là, la police va vous mettre en prison. C'est la même chose qui va se passer. Vous pouvez désobéir aux règles de la maison et pas être puni, là, vous allez penser que vous pouvez désobéir aux règles de la société et pas être puni non plus. C'est le même principe que Dieu fait dans nos vies puis dans la société, dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, c'est l'argument ici de Pierre. De Pierre, il dit, ben, si vous voulez l'ignorer, c'est vos affaires, mais il y en a déjà eu une fois Dieu. Donc, venez pas dire que Dieu ne fait jamais, il l'a fait déjà. OK? Et on va en faire un dernier point, on va le rester la semaine prochaine. La connaissance nécessaire face à la date. Parce que la question, c'est toujours quand est-ce, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir répondre aux faux docteurs et aux faux prophètes à partir du verset 8? Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. Les ignorants ont la difficulté, c'est avec Pierre. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Voyez-vous, les cieux, encore, ça revient, les cieux et la terre, les deux domaines. Il dit, première chose qu'il faut se rappeler, c'est que pour Dieu, le temps, ce n'est pas un problème. Nous, on a un problème de temps. Rendu à un certain moment donné, on commence à ratatiner. Puis on sait que le temps s'en vient, qu'on va partir un jour ou l'autre. Puis plus on ratatine, plus on se regarde dans le miroir, puis on dit, mais la fin s'en vient. On le sait. Puis là, on est pogné avec l'espace-temps, nous. Mais pas pour Dieu. Il dit, pour Dieu, les 1000 ans qui sont passés, c'est comme une journée. Ça n'existe pas. Dieu est en dehors du temps. Quand Dieu a créé, le temps a commencé. Avant que Dieu crée quoi que ce soit, le temps n'existait pas. Le temps n'existait pas. Dieu, en créant de la matière, a commencé à créer l'espace-temps et l'espace-point. L'espace, parce qu'aussitôt que tu crées quelque chose, tu peux mesurer. Mais s'il n'y a rien, tu ne peux pas mesurer. S'il n'y a rien, tu ne peux pas. Mais si tu crées un grain de sable dans l'univers, tu commences à mesurer. Et là, tu peux maintenant avoir un point de référence. À partir du moment où j'ai créé ça, là, je peux additionner et soustraire. Mais si tu n'as pas jamais créé, il n'y a pas d'espace-temps, tu n'as pas de point de référence. Donc, tu peux dire aux gens, Dieu, le temps n'existe pas pour lui. Donc, il ne faut pas penser qu'il retarde. Il ne retarde pas, il n'y a pas de temps qui existe pour lui. Et même s'il se passe beaucoup de temps, selon notre mesure à nous autres, mais il dit, remerciez-le, c'est pour votre bien qu'il le fait. Moi, je me souviens d'avoir déjà dit au Seigneur, dans une prière, je suis bien content que tu ne l'aies pas fait avant que je meure. Tu es parvenu avant que je meure. Si tu serais revenu, puis moi, je n'aurais pas connu ça, bien, je serais donné aussi. Mais tu as été patient, puis moi, j'ai fini par arriver au temps où que moi, j'ai pu être sauvé, là. Mm. Si tu serais revenu en 1952, bien, je n'aurais pas connu ça, là, je l'ai connu en 1976. Donc, Dieu, il dit, c'est à cause que Dieu est patient. Il est patient, puis le but de sa patience, c'est que vous ne périssez pas avec le monde qui va périr, parce qu'on a vu au verset... périr à quelque part, non? Oui, mais ça, je l'avais vu ailleurs pour le restant. Qu'aucun ne périsse. Le feu, le sept. Hein? En réserve pour le feu, un jour du jour. Jument des ruines. Non, il n'y a pas le mot périr, je pensais qu'il y avait deux fois. Mais moi, je l'ai. OK, deux fois? Où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Donc, c'est le même mot qui revient là, à quelques reprises, c'est le mot périr. Comme la terre va périr, les hommes vont périr aussi. Donc, Dieu dit qu'il va... il ne veut pas que vous périssiez, un peu comme dans Jean 3,16, afin que personne ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot périr, c'est le mot détruire. Ici, ce n'est pas juste périr physiquement, mais c'est aussi périr spirituellement. Donc, il dit, Dieu, bénissez-le si ça ne revient pas. Si ça prend du temps, bénissez-le. C'est bénissez-le parce qu'il est patient, puis il veut que vous vous repensiez et que vous convertissiez et que vous soyez sauvés. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'an de grâce 2008, Dieu était patient pendant toutes ces années-là. L'Église, c'est le temps de la grâce. Quand ces derniers temps-là vont être finis, la grâce va terminer aussi. Quand l'Église c'est fini, le temps de la grâce est terminé et c'est le temps du jugement. C'est une autre période qui va commencer, le temps du jugement. Plus de grâce à ce moment-là. Plus de moyen de revenir en arrière. Si tu ne l'as pas fait avant, tu ne le feras pas non plus. Parce que tu peux le faire seulement si tu as l'aide de Dieu, puis Dieu dit c'est fini. C'est comme si tu disais, rentre pendant que la porte est ouverte. Parce que même que je vais fermer la porte, tu n'auras pas, toi, le pouvoir de l'ouvrir. Vous avez remarqué dans l'arche de Noé, c'est Dieu qui a fermé la porte. Dieu ferme la porte, c'est fini. Puis personne ne rentre ici. Parce que c'est pas Dieu qui a fermé la porte, là. Peut-être que Noé a resté de l'ouvrir, n'en ferait pas quelques-uns qui gueulaient en dehors du bateau. Dieu a fermé la porte. C'est terminé. Quand il va terminer, quand le temps de l'Église va être terminé, ça va être terminé pour tout le monde. Dans l'Apocalypse, ça parle pas à un moment donné qu'il y a des gens qui acceptent, qui croient, qui non, mais sur la terre, qu'il arrive des jugements, mais. Vous remarquerez, quand j'enseignais là-dessus, j'avais dit, vous remarquerez la réaction qu'ils ont, c'est qu'ils maudissent Dieu. Ils sont en colère, grincent des dents, ils maudissent Dieu. Plus il y a de jugements qui arrivent, plus il y a de difficultés, ils ne se repentirent point, ils ne se repentirent point, ils ne se repentirent point, ils maudissent Dieu, ils sont en colère avec Dieu, ils grincent des dents. Tu ne peux pas virer de bord si Dieu ne te fait pas virer de bord. Tu ne peux pas te repentir si Dieu ne t'aide pas à te repentir. Donc, si Dieu envoie des jugements, c'est parce que pour lui, c'est fini. Tu ne peux pas te virer de bord. Ah, oh, je regrette donc. Tu sais, il va le regretter dans un enfer. Les gens ne regrettent pas en enfer. La Bible nous dit qu'ils sont en colère en enfer. Ils grincent des dents. Et moi, le grincent des dents, ce n'est pas une grince des dents de douleur. C'est des dents de rage, de colère contre Dieu. Encore, je vous ai. Pour l'éternité. Pour l'éternité, ils vont être en Ils colère. vont être en colère contre Dieu. Ils n'auront pas de regret. Aucun Pourquoi regret. j'aurais dû, Tu ne peux j'aurais pas. dû. Tu peux pas faire ça si Dieu ne t'aide pas. L'être humain ne peut pas regretter sa vie si Dieu ne l'aide pas. C'est pour ça que 99% des Donne gens qui vous l'exemple de entourent. Lazare et du vieil homme riche. Oui. Il n'y a pas comme des regrets, vieil homme riche. Non, il n'y a pas des regrets. Moi, je dirais bien ça. C'est un apitoiement sur lui-même. Et ce n'est pas vraiment des regrets comme ah, c'est donc de valeur que je n'ai pas. Et cette parabole-là, cette histoire-là, cette parabole-là, il ne faut pas y donner le sens. Non. C'est qu'il veut juste montrer que si tu es un gratteux, tu ne vas pas aller au ciel. C'est tout simplement ce qu'il est en train de dire. Mais quand tu regardes tous les passages où ceux qui sont jetés en enfer, la réaction qu'ils ont, c'est un grincement de dents. Et c'est ça qui se passe. Ce n'est pas je regrette, et puis ce n'est pas ça ce qui se passe. Parce qu'il y a une incapacité pour l'être humain de se repentir. Mais c'est pas de douleur aussi. Pas l'expression, c'est jamais ça. Dans l'expression, le De grincement de dents, c'est de la colère. Ouais. colère. Puis d'autres, on dit en grinçant des dents, là, c'était pas de la douleur. Quoi. Souvent qu'on parle, c'est plutôt je t'en sens colère, je C'est pas. C'est à cela qu'on va grincer des dents quand on souffre. Quand on a mal, on se lamente. Quand on a mal, c'est pas rare qu'on va grincer des dents. Le grincement de dents, c'est quand on est en colère. On est crispé. C'est ça que ça veut dire, le grincement des dents. Des pleurs et des grincements de dents. Je crois qu'il va y avoir une tristesse, mais pas une repentance comme de pleurs, d'avoir désobéi à Dieu, pleurs. Non, c'est pas de la repentance comme telle, c'est de la souffrance et de la colère qu'ils vont avoir contre Dieu. Donc, c'est épouvantable de penser qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là qui vont aller là. Voilà. J'avais fait une série d'études une fois à Victoriaville là-dessus, sur la destinée des âmes perdues, pour nous sensibiliser à qu'est-ce qui va leur arriver, pour nous sensibiliser à leur parler. Et si on pouvait voir ces gens-là, tu sais, dans un petit film, là, les voir dans l'enfer pendant 10 minutes, là, je vous garantis qu'on piétinerait pour faire de quoi. Mais même nous, les questions, on vient comme. On veut quasiment pas y penser. Pas trop avoir de problèmes, de peur, de regrets ou de misère. Moi, je me suis aperçu que mes parents sont décédés et j'ai de la misère. Je ne veux pas même m'arrêter à penser où ils sont. Tu ne veux même pas penser parce que tu dis ils ne sont pas avec Dieu et sont en enfer. Donc, tu veux même pas t'arrêter pour y penser parce que c'est trop dur émotionnellement de penser qu'il y a des gens que tu as aimés qui sont dans des lieux comme ça maintenant. Et là, si tu y penses longtemps, ce qui se met, ta chair humaine t'amène quasiment un argument contre Dieu. C'est Ouais. pas juste, puis pourquoi t'as fait ça, puis pourquoi t'as. Ouais. On n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que 99% des gens nient l'existence de l'enfer. Ça ne se peut pas que Dieu envoie les gens dans une place comme ça. Ça se peut pas. Donc, on rejette. C'est trop. La façon, la description de l'enfer, c'est épouvantable. Fait que les gens. Dieu est pas capable, Dieu est trop bon, il ne peut pas faire ça. Donc, on nie ça, c'est pas vrai. On nie ça, c'est pas vrai. Mais moi, je leur dis, si vous niez l'enfer, vous êtes obligé de nier le ciel. Il n'y a pas de choix. C'est la même personne qui déclare les deux. S'il a menti pour l'enfer, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'a pas menti pour le ciel aussi? Donc, ça ne nie pas rien. C'est pas facile pour l'être humain de s'arrêter de penser à ça. Pas facile. Donc, il dit, c'est la patience qu'il a. Il le fait pour vous, pour votre bien, pour que vous repentiez, que vous convertissiez. Puis il dit, mais comptez pas que ça va toujours durer. Il y a une fin à la patience de Dieu. On dit que la patience de Dieu n'a pas de limite. Oui, la patience de Dieu a une limite. Quand lui va décider que c'est fini, il va venir sur la terre comme un voleur et ça va être terminé. Ça va se faire. Parce que le mot venir comme un voleur, ça va se faire vite et subitement. Il dit, comme Jésus lui dit comment? Ça va être comme le déluge. Les gens mangeaient, se mariaient, ils naissaient, ils ne se doutaient pas du tout que la fin était là. Puis ça va être la même chose pour la fin des temps. Les gens vont manger, vont boire, vont faire leur vie comme tous les jours. Ils se sont levés, ils vont faire la même affaire. Et le soir, ils ne se coucheront pas. Ça va être terminé. Ça va venir vite, comme ça. Paf! Donc, c'est vraiment une. Fait que ça, c'est des arguments très simples, dans le sens que notre source, c'est la Bible. Il y en a déjà eu un, donc ce n'est pas surprenant qu'il y en aurait eu un autre. Celui qui a amené le déluge peut amener aussi la fin du monde avec par sa parole. Sa parole, c'est le mot puissant, sa force, sa volonté propre. Par sa parole, il a amené le déluge. Par sa parole, il va amener le feu, puis il va détruire le monde. Et il est patient, mais c'est parce que pour lui, le temps n'existe pas. Et soyez content de ça, parce qu'il peut attendre. Il voudrait bien que vous repentissiez pendant ce temps-là qui reste. Mais il y a une limite à ce temps-là. Une limite à ce temps-là. Okay, donc, on va arrêter là pour le moment et on finira la semaine prochaine cette étude-là sur le retour du Seigneur.